sans doute beaucoup de science pour tuer tant d'hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en si peu de temps. Ces mots de Paul Valéry dans La crise de l'esprit au lendemain de la Première Guerre mondiale sanctionnent le fait que cette guerre est sans doute la première guerre véritablement scientifique de l'histoire de l'humanité. La guerre dite des chimistes. Bien que l'armée et la science émaillent à partir depuis les débuts de la civilisation, leurs liens se sont singulièrement resserrés au cours du XXe siècle et de ses nombreux et meurtriers conflits jusqu'à aujourd'hui devenir l'autre moteur de la recherche. Mais l'autre moteur de la recherche, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces liens millénaires entre la science et la défense, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Radio à Paris, David Aubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des sciences à Sorbonne Université, membre de l'Institut mathématique de Jussieu, Paris-Rive-Gauche. Vous travaillez actuellement sur un livre, L'élite sous la mitraille, les normaliens, les mathématiques et la grande guerre. Ce sera publié en octobre aux éditions Ulm. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de la RTS à Genève avec Dominique Pestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, directeur de recherche à l'EHESS, directeur des trois volumes de l'histoire des sciences et des savoirs, c'est aux éditions du Seuil. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Peut-être un lien pour commencer, en fait, finalement, pour commencer avec le présent. Le ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé mi-mars la création d'une agence de l'innovation de défense qui sera, selon elle, ouverte sur l'économie civile, les start-up tournées vers l'Europe pour permettre le développement de projets de défense innovants. Quand la recherche publique s'essouffle, au cours de l'histoire, le nerf de la guerre, l'argent est donc à aller chercher vers la recherche militaire, Dominique Pestre. Oui, mais écoutez, c'est institutionnellement une nouveauté. Dans la pratique, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais ça peut être par contre renforcé, développé. C'est vrai évidemment dans le cas américain, ça on le sait parfaitement bien. Dans le cas français aussi, nous avons, lors de la grande réforme de 1961, voulue par le général de Gaulle pour transférer passer l'armée de son statut d'armée coloniale à armée de la guerre froide, lorsqu'il crée la délégation ministérielle à l'armement, confiée au général Lavaux. Au cœur de cette nouvelle institution se trouve ce qui s'appelle la DRME, qui sous ce nom un peu bizarre de direction des moyens d'essai, est en fait une agence qui s'occupe de l'innovation et qui est dirigée par des civils et qui travaille avec les universités. David Aubin, le recours justement à la défense, à des stratégies militaires, à l'armée pour relancer des efforts de recherche, ça a été le cas finalement tout au long de l'histoire des civilisations et des différents peuples. Oui, on peut dire que les relations entre les sciences et le militaire sont presque toujours le cas, quoi. Il y a toujours eu un échange entre les deux, et puis ça se modifie, comme le rappelle Dominique Pestre. Il y a différentes époques où c'est plus ou moins intense, et puis il y a des innovations institutionnelles qui ont lieu à différentes époques. De mon point de vue, je trouve que ce qui se passe, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, est assez marquant, et ça a donné un peu le là pour le développement de cette relation pendant tout le XXe siècle, puis jusqu'à aujourd'hui. On va examiner effectivement cette histoire au fil des siècles. Peut-être un mot pour boucler cette introduction, pour dire que les liens, quand on parle des liens entre la recherche et le monde de la défense et l'armée, c'est relativement mal perçu, c'est une image relativement négative auprès du grand public, alors que pourtant le militaire a été un puissant moteur de découvertes scientifiques et d'avancées scientifiques tout au long de l'histoire, Dominique Pestre. Oui, enfin que ce soit mal vu, ça l'est particulièrement depuis, je dirais, un siècle et demi ou deux siècles, à partir du moment où les communautés scientifiques s'autonomisent dans les universités nouvelles. Avant ça, c'est pas forcément mal vu, c'est pas du tout le cas même. Et dans des tas de pays, ce n'est pas forcément mal vu. Aux États-Unis, c'est pas si clair que ce soit mal vu. Par contre, dans le contexte effectivement de en Europe de la montée de l'autonomie des universitaires et la montée d'une idéologie progressiste, idéologie du progrès. Il y a effectivement un sentiment de malaise qui s'exprime régulièrement quant au lien avec les militaires. Mais si vous pouvez vous permettre que je prenne un exemple. Bien sûr, évidemment. Prenons Galilée. Hein, voilà, bien. Alors, c'est pas encore. Appelons ça la science pour faire vite, mais enfin, on aurait besoin de discuter ça beaucoup. Bon, Galilée, au fond, si on fait l'itinéraire de la biographie de Galilée, on peut voir trois moments. Il est d'abord professeur de mathématiques à Pise. Et étant donné qu'il est professeur de mathématiques dans une structure universitaire, à cette époque-là, les mathématiques, si vous voulez, dans l'ordre de la préséance, c'est la dernière et septième catégorie, c'est-à-dire tout en haut, vous avez la théologie, en bas, vous avez les mathématiques pratiques, c'est-à-dire un peu inversé par rapport à aujourd'hui, si vous voyez. Les mathématiques, c'est les choses pratiques qu'on ferait dans l'univers de l'espace et du temps, et donc c'est des choses très pragmatique, et donc c'est pas très important. Et donc, qu'est-ce que fait Galilée? Il est pas lié à quelque activité industrielle ou militaire que ce soit. Il est dans ce monde-là. Il a un atelier, puisque faire des mathématiques, c'est un travail essentiellement pratique. Le mathématicien construit des instruments. Voilà. Et il fait ça. Bon. Quelques années plus tard, il va à l'université de Padoue. Et là, nous entrons dans la Sérénissime de Venise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est à Padoue, il n'est plus indépendant de ce qui se passe à Venise. Oh, c'est-à-dire Venise est la principale puissance militaire, navale de la Méditerranée. C'est une énorme puissance. Oui. Commerciale, mais bon, puisqu'on parle ici d'affaires militaires, ouais. Venise a une très grande flotte militaire. Quand il arrive à Padoue, il est évident qu'il travaille à l'arsenal. C'est-à-dire, c'est pas. Et là, je pense pas que ce soit mal vu, bien vu. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça fait partie de l'ordre du travail qui est requis lorsque vous êtes dans cette. Quand vous êtes, vous travaillez à la Sérénissime. Et donc, il travaille régulièrement à l'arsenal sur des questions de flottaison, des questions de voile, des questions, enfin, classiques de la navigation et des questions militaires. Et ensuite, la troisième phase, c'est lorsqu'il devient, en fait, un courtisan. C'est-à-dire que sa véritable nature, dorénavant, est courtisan. Il est à la cour des Médicis, en 1610. À partir de ce moment-là, dans le statut qui est celui de courtisan, évidemment, la question militaire n'a pas d'importance. Et donc, il ne s'en occupe plus. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, suivant les contextes dans lesquels vous êtes, ça peut être plus ou moins bien vu de s'être lié au militaire, mais surtout, je dirais, historiquement, vous êtes de facto plus ou moins lié à ce genre de travail. Et il n'y a pas, lorsque vous êtes un mathématicien dans la première moitié du XVIIe siècle, quand vous êtes mathématicien, ce qui correspond un peu à ce qu'on appelle maintenant ingénieur, d'accord, si on devait trouver l'équivalent de mathématicien pratique, comme on disait à cette époque-là, ce serait plutôt la figure de l'ingénieur qui viendrait. À partir de ce moment-là, en tant que vous êtes une figure de l'ingénieur, évidemment, vous vous occupez des choses pratiques, évidemment, les questions de la cité qui vous nourrit, qu'elle soit guerrière ou qu'elle soit commerciale, vous intéressent directement. Ça, c'est un exemple, peut-être un mot aussi pour compléter, puisque nous sommes dans cet exemple de Galilée, David Aubin, sur la fameuse lunette qui lui a permis d'aboutir aux découvertes que l'on connaît. Pour les gens qui connaissent Venise, il y a une petite plaque tout en haut du campanile de la cathédrale Saint-Marc qui raconte comment finalement cette lunette et le développement de la science astronomique de Galilée a été rendu possible parce qu'il a été financé à des fins militaires. C'est vrai que la lunette a été tout de suite d'intérêt pour les militaires, mais je dirais plutôt dans le sens de Dominique Pestre en disant qu'effectivement les mathématiciens de l'époque sont très très impliqués parfois, dépendamment des circonstances dans le militaire. Moi je suis assez frappé par les écrits de quelqu'un qui a inspiré beaucoup les travaux de Galilée, qui a travaillé lui aussi dans le domaine militaire, qui s'appelle Nicolas Tartaglia. Donc c'est quelqu'un qui a vécu à peu près un peu moins d'un siècle avant Galilée et qui a été très influent pour son travail sur la mécanique des corps en mouvement. Et son travail a été complètement influencé par le fait qu'il voulait résoudre des problèmes de balistique, c'est-à-dire de trajectoire trajectoire de boulet de canon et qui l'a conduit à introduire des idées assez nouvelles dans le domaine de la cinématique, qui ont été donc ensuite reprises par Galilée. Ce qui est très intéressant dans le travail de Tartaglia, c'est que c'est un des rares. C'est pour ça qu'on peut peut-être le souligner, mais c'est vraiment un des rares qui se pose des questions sur les utilisations militaires de ses travaux. Donc dans les préfaces de son livre, on le voit hésiter en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il dit qu'il a été tenté de tout brûler ses papiers, etc. Et on voit à un moment donné où faut dire que Tartaglia a une expérience assez horrifique puisque lui-même en tant qu'enfant a été blessé très très grièvement, a failli mourir lors d'un siège de Brescia par les Français. Mais donc quand il écrit ce ouvrage, finalement il l'écrit, il le publie, et il donne comme raison, une raison que l'on retrouve très très souvent, c'est que finalement il y a une menace qui est plus grave que les principes moraux qu'il évoque, et à ce moment-là c'est la menace turque. Donc il ne voudrait pas que les chrétiens s'entretuent, mais quand il s'agit de se défendre contre les Turcs, contre les infidèles, là il a envie de publier ses travaux. Alors, il y a un aspect encore un peu assez intéressant, c'est Tartaglia, qui est de dire que finalement, il ne va pas tout publier. Il ne publie finalement que la partie théorique de ses travaux, une partie qui est assez difficile d'application d'une certaine manière. Il dit dans ses préfaces, de manière un peu comme un teaser, je dirais, qu'il peut offrir ses services aux puissants. Ils n'ont qu'à venir le voir et il va leur donner des méthodes beaucoup plus pratiques pour utiliser les canons. Donc là, on le voit à la fois retenir une certaine partie de la connaissance, insister sur un aspect du secret finalement, tout en essayant de montrer à quel point il peut être utile de se mettre au service des puissants. On va pas avoir évidemment le temps en une seule heure, il faudrait consacrer une série entière pour tisser et détricoter tous les liens qui se sont tissés précisément au fil de l'histoire entre les sciences et le domaine militaire. On va très vite arriver au XXe siècle. Peut-être j'aimerais un mot avant cela, Dominique Pestre, sur la situation française et sur le rôle important de la révolution, plutôt de la post-révolution, dans la fixation d'un certain nombre de liens entre université et défense et recherche militaire. Ah ben, l'histoire de... Le cas français est extrêmement intéressant entre, je dirais, le second 18e et le premier 19e. Pendant un siècle, c'est évident que la France est une énorme puissance, à la fois scientifique, technique et militaire. Et donc, là vont se mettre en place toute une série d'institutions vont commencer à se mettre en place les institutions les plus modernes que nous connaissons encore maintenant. Mais ça ne concerne pas que les militaires. C'est-à-dire le premier, si on parle par exemple des corps d'ingénieurs en France, Dieu sait que c'est quand même un objet intéressant. Le premier corps des ingénieurs, c'est celui des ponts. Il date du milieu du 18e, il n'est pas un corps militaire, mais par contre, ce qui se passe à Metz, autour de Monge, là, c'est effectivement l'école militaire, et là, ce sont les endroits où vont se développer toute une série de savoirs qui ont une importance en termes pratiques et à Mézières, en termes militaires. Par exemple, la géométrie de Monge, la géométrie descriptive de Monge, elle correspond exactement à ça. C'est une manière de travailler dans la fortification, dans toute une série de champs essentiels aux affaires militaires. Donc, la Révolution sanctifie ça, si je puis dire. C'est la création de l'école polytechnique. Au fond, ça devient le cœur du système en France. Et c'est un cœur de système qui a une vocation évidemment militaire, mais aussi, c'est une école militaire, mais en même temps, pas au début, ça deviendra une école militaire, et en même temps une vocation civile, si je puis dire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un modèle qui se met en place. Mais le modèle alternatif qui, sur la durée, finalement, va l'emporter, c'est plutôt le modèle allemand, c'est-à-dire le modèle des universités revues par les Humboldt. Donc à ce moment-là, c'est autre chose. L'université française, jusqu'à la fin du XIXe siècle, reste un objet relativement archaïque d'une certaine façon. Les grandes nouveautés ont bien lieu en Allemagne, avec la mise au cœur des activités pratiques d'enseignement, la recherche elle-même, l'activité de séminaire, enfin toutes ces choses qui maintenant sont banales, mais ceci relève d'une invention allemande et pas d'une invention française. David Aubin, sur la structuration justement de ces liens entre recherche et armée en France, pour nous amener au XXe siècle auquel on va arriver dans quelques secondes. Oui, c'est très intéressant le fait que pendant la Première Guerre mondiale, il y a chez beaucoup de scientifiques, pas seulement en France, peut-être moins en France qu'ailleurs d'ailleurs, une certaine surprise de se retrouver à être au cœur du système de défense parfois, ou souvent une très grande volonté d'y participer, et finalement une surprise de se voir parfois pas trop bien considéré, pas trop bien mobilisé. Alors c'est vrai qu'en France, effectivement, au XIXe siècle, se développe effectivement une recherche qu'on pourrait appeler civile, un peu autonome, comme le dit Dominique Pestre. En fait, le terme que les scientifiques emploient beaucoup à l'époque, c'est la recherche désintéressée. Ça se fait dans un cadre où finalement on valorise beaucoup cet aspect un peu, je dirais, aristocratique encore de la science, de faire de la science pour la science, et qui commence à se développer tout en sachant que, évidemment, les institutions qui sont parfois très très développées à partir justement de polytechniciens pullulent, se développent dans le domaine de la balistique. Encore, pour reprendre cet exemple, on a la commission de Gavre pendant presque tout le 19e siècle qui produit des résultats et des recherches très très haut niveau. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait l'histoire parfois de ces institutions militaires qui sont véritablement, je pense, importantes pour le développement des sciences. Et finalement, on a peut-être une certaine séparation avant la Première Guerre mondiale qui va être modifiée profondément par ce conflit où finalement les savants commencent à vouloir jouer un rôle important. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17 sur France Culture, nous parlons des liens entre la recherche et l'armée et la défense. Nous en parlons avec David Aubin, présent ici avec nous à Paris, à la Maison de la Radio, professeur d'histoire des sciences à Sorbonne Université, avec Dominique Pestre, qui est avec nous en duplex depuis la Suisse, qui est historien des sciences et directeur de recherche à l'EHESS. Venons-en à cette Première Guerre mondiale. Je le disais dans l'introduction, on la qualifie de Première Guerre scientifique. On a l'impression que c'est... Est-ce que vous pensez que c'est un peu usurpé, ce titre? Parce que toute guerre est une guerre scientifique. Toute guerre est une guerre qui cherche à avoir l'avantage scientifique, balistique, technologique sur l'adversaire. Dominique Pestre, qu'en pensez-vous ? Alors, sur la Première Guerre, je pense que David sera beaucoup plus au point que moi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde et la Guerre froide. Mais il est évident que la Première Guerre, non seulement c'est une guerre de production, nous en sommes bien d'accord, c'est probablement, me semble-t-il, une des choses qui la définit le mieux. Mais c'est aussi une guerre de chimistes, ça c'est la deuxième chose qu'on dit, et à juste titre, la guerre des gaz, etc. Mais je pense que c'est une guerre des sciences dans un sens profond, dans la mesure où pour la première fois, on met en place des structures qui essaient, pendant la guerre même, à partir de fondements d'organisation scientifique, c'est-à-dire avec des scientifiques, qui essayent de voir comment on pourrait voir l'ennemi avant qu'il nous voie. Alors c'est important pendant la Première Guerre mondiale, puis ça va devenir évidemment la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec les radars. Et le problème, c'est que vous avez maintenant des capacités de frappe, même si vous ne prenez pas la grosse Bertha, mais vous prenez de l'artillerie plus ordinaire, l'artillerie tire à une distance où elle ne voit pas la cible. Donc nous avons des capacités de tir qui sont de cet ordre, et donc il est extrêmement important à la fois de voir l'ennemi pour savoir où il se trouve, de détecter où il est, où on doit viser, et ensuite avoir les moyens de guider le tir sur ces cibles. Donc voir avant l'ennemi et voir où est l'ennemi avant qu'il ne vous voie deviennent des choses absolument essentielles. Et ça, je pense que ça commence avec la Première Guerre mondiale. Et là, nous connaissons tous les travaux qui ont mobilisé les physiciens de la Sorbonne, Jean Perrin en tête. Mmh. Si on reprend la guerre souterraine, eh bien, ce sera Langevin, cette fois, qui apparaîtra mobilisé autour de la détection des sous-marins par sonar. Donc, on voit bien que ça devient une guerre scientifique dans un sens plus étroit et plus strict, qui est développer des systèmes, des instrumentations permettant de faire certaines choses essentielles à la guerre, à savoir voir l'ennemi avant qu'il ne vous voie et être capable de transporter là où vous l'avez vu la frappe. David Aubin, ce basculement justement. Oui, tout à fait. La Première Guerre mondiale effectivement est une guerre qui ne se passe pas exactement comme prévu. Souvent, on pense que la guerre sera relativement courte. Pas tout le monde est convaincu de cela, mais ça reste un petit peu l'idée qu'on va travailler dans l'urgence et qu'on va utiliser les techniques que l'on a à notre disposition. Et puis, très vite, on se rend compte que le combat est différent de ce qu'on pensait qu'il serait. Effectivement, cette idée de te tirer sur des cibles qui sont éloignées modifie profondément les caractéristiques du tir d'artillerie. Il faut bien comprendre qu'avant la Première Guerre mondiale, on avait des tables de tir précises, calculées par la commission de Gavre, dont j'ai déjà parlé, mais qui avaient, pour des raisons mathématiques, employé des approximations qui ne fonctionnaient pas très bien quand on tirait à plus de 15%. 15 degrés, pardon. Pour les tirs plus hauts, avec des angles plus importants, les techniques ne fonctionnaient pas. Il fallait inventer de nouvelles techniques. Finalement, le développement n'est pas mathématique, va souvent retomber sur des techniques anciennes, mais en les mettant au goût du jour, en développant des algorithmes de calcul, etc. Mais va faire intervenir là tout de suite des savants et des savants civils. Alors parfois c'est un petit peu l'effet du hasard. Hein, je reviens sur la commission de Gavre, c'est un cas intéressant. La commission de Gavre se retrouve avec 5 personne après la mobilisation en 1914. Il se retrouve avec 5 personnes et une quantité de travail qu'on peut imaginer beaucoup, beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, les 5 personnes avaient demandé d'être envoyées sur le front, mais on leur avait refusé. Et tout d'un coup, ils se disent, comment on va faire ? C'est au début de 1915 qu'ils se rendent compte. Et ils disent, peut-être qu'on pourrait demander aux civils, aux savants civils de venir, parce que finalement, il y en a un qui avait vu un article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences qui paraissait intéressant. Et donc, les militaires vont dire, on va faire appel aux civils. Et les civils, finalement, ont réussi à faire ce travail, à se couler, disons, dans les traditions militaires. Alors c'est très intéressant, Dominique, à juste titre, insiste sur les nouveaux instruments qui sont développés par les physiciens. Intégrer les nouveaux instruments dans les systèmes techniques, intégrer les hommes dans les systèmes hiérarchiques militaires, n'est pas du tout simple. Et en fait, l'une des grandes fiertés de la commission de Gavre, c'est justement d'être capable d'intégrer des civils dans les structures militaires. C'est pas l'inverse, c'est pas les savants qui viennent et qui chamboulent tout, c'est les militaires qui sont capables d'intégrer les savants et de les utiliser à bon escient. Ce qui est intéressant dans ce que dit David Aubin, c'est qu'effectivement, ça n'est pas juste l'irruption d'une guerre plus technologique ou plus scientifique, c'est aussi la structuration de la recherche militaire dans des institutions qui vont petit à petit se transformer au cours du XXe siècle, mais qui vont arriver au paysage que l'on connaît aujourd'hui, Dominique Pestre. Je pense que, pour autant que je connaisse la Première Guerre mondiale, la mobilisation opère essentiellement dans le contexte militaire. Ce sont l'exemple que vient de donner David de la commission de Gavre le montre, c'est-à-dire on déplace les scientifiques dans les contextes militaires. Et c'est là où les choses seront différentes dans la Seconde Guerre mondiale. Là, on mobilisera dans les structures, au moins aux États-Unis, puisque c'est l'exemple qu'on connaît le mieux, ce sera différent dans le cas allemand, quoique pas complètement différent, ce seront bien les scientifiques qui vont redéfinir de façon assez profonde la manière même de concevoir l'armement, de concevoir la technologie, de concevoir son usage, etc. En partie car les modifications techniques vont être extrêmement rapides et drastiques, c'est-à-dire qu'on bascule dans des systèmes techniques très différents. Il me semble que dans la Première Guerre mondiale, on est encore dans une certaine inertie des systèmes techniques militaires. Il y a certes des éléments qui sont ajoutés. La commission que David connaît parfaitement bien met au point les tables pour des tirs avec des angles différents. Les physiciens essaient de mettre au point des systèmes de détection des de l'artillerie ennemie par le son, ce qui est un travail très long, qui ne marchera vraiment qu'à la fin de la guerre et pas beaucoup avant, et qui, lorsqu'il sera transféré sur d'autres champs de bataille que les champs du nord de la France, ne marchera jamais. Quand on va le transporter sur le front italien, par exemple, parce qu'il y a des montagnes, ça ne marchera absolument pas. Les échos perturbent complètement tous les systèmes mis au point, alors que mis au point dans la plaine, ça marche relativement bien. Enfin, dans la plaine ou avec les vallonnements que nous connaissons du bassin parisien, de la Somme, etc. Donc, moi, j'insisterai sur le fait que dans la Première Guerre mondiale, ce sont encore les officiers supérieurs, mais n'oublions pas ceux qui s'occupent de ces questions, sont des officiers ayant fait l'école polytechnique, oui. ayant pu faire l'école de guerre, etc., mais étant fondamentalement des mathématiciens et qui ont participé en tant que tels dans les décennies précédentes aux grandes campagnes, par exemple géodésiques, etc. Ce sont ceux qui ont fait les grandes campagnes géodésiques internationales pour l'Académie qui se retrouvent à la tête de la mobilisation des scientifiques pour la guerre. Mais ces gens-là, ce sont de grands mathématiciens, mais ce sont des officiers supérieurs. Mmh. David Aubin, un mot tout de même sur vous parlez de la commission de Gavre, mais à partir de d'août 1914 est créée une autre commission, la commission supérieure chargée d'étudier les inventions intéressant la défense nationale, qui va être requalifiée en direction des inventions à l'issue de la guerre. Cette direction des inventions qui va être elle-même requalifiée en office national de recherche scientifique industrielle et des inventions qui va finir par être transformée en CNRS, c'est bien là la base de nos institutions scientifiques d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'on, Dominique a raison d'insister sur le fait que les grandes stratégies militaires ou même de recherche sont toujours entre les mains des officiers qui sont bien compétents pour le faire d'une certaine manière, pas toujours, mais bon, ça se discute. Mais il y a quand même là, dans la Première Guerre mondiale, le germe de ce qui va être déterminant dans la Seconde. Donc je pense qu'effectivement, à partir déjà de mars, mais surtout de novembre 1915, avec la nomination de Paul Painlevé, un mathématicien, au ministère des inventions intéressant la défense nationale, on a une restructuration du dispositif des inventions qui certes donne une large place à l'interaction avec les militaires, certes aura toujours un petit peu de difficulté à synchroniser et puis à se coordonner, disons, avec l'état-major, mais cette direction des inventions va examiner un grand nombre de développements, va avoir, selon les auteurs de l'époque, hein, c'est finalement la première fois que l'État crée des organismes qui permettent de se doter d'une politique de la recherche scientifique. Bon, on peut être circonspect sur le résultat, mais il reste quand même que, selon les comptes de l'époque, il y a 781, j'ai revu le chiffre récemment, projets d'innovation, d'invention qui sont transmises aux militaires par la direction des inventions pour être appliqués, pour être développés. Donc les scientifiques se découvrent un nouveau rôle, je pense. Hein. Quelqu'un comme Émile Borel, comme Painlevé, sont des scientifiques, comme Jean Perrin par la suite, Charles Morin, d'autres, des scientifiques qui découvrent qu'ils peuvent avoir un rôle assez important de conseiller auprès de l'État, auprès des militaires, pour des recherches, pour le développement d'une politique scientifique qui aura des visées militaires, mais pas que. Thank you. Voilà une petite marche militaire en sol majeur de Schubert pour illustrer et accompagner cette émission consacrée au lien entre les sciences, la recherche et le monde militaire et la défense. Nous parlons de ce sujet en compagnie de David Aubin, qui est professeur d'histoire des sciences à Sorbonne Université, membre de l'Institut mathématique de Jussieu Paris-Rive-Gauche, et en duplex depuis les studios de nos camarades de la RTS à Genève avec Dominique Pestre, historien des sciences et directeur de recherche à l'EHESS. Alors on va faire un petit crochet par la contemporanéité, par le présent, pour arriver donc à aujourd'hui et à une institution qui a été créée il y a une dizaine d'années, en 2009, l'IRBA, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous avez enfilé votre treillis pour aller voir sur quoi on travaille aujourd'hui concrètement à l'IRBA. Et oui, en avant-marche, direction Brétigny-sur-Orge, où la générale Nathalie Kuhlmann, directrice adjointe et directrice scientifique de l'IRBA, m'a reçue. Nathalie Kuhlmann nous explique quels sont les champs de recherche privilégiés dans ce contexte militaire et pourquoi cette recherche scientifique liée à la défense a également de nombreuses implications dans le domaine civil. Des implications qui expliquent les nombreuses recherches duales menées par l'IRBA et d'autres grands centres de recherche comme l'INSERM ou encore le Génopôle d'Evry. L'IRBA est l'établissement du service de santé des armées qui est dédié à la recherche biomédicale de défense. Cela veut dire que nous travaillons au profit des militaires pour préserver leur état de santé au cours de leur mission, mais également pour préserver leur état de santé dans la durée pour permettre qu'ils retournent à la vie civile dans l'état de santé dans lequel ils avaient pu intégrer l'état de militaire auparavant. Alors ce centre où on se trouve, est-ce qu'il y a des laboratoires, des centres d'expérimentation un peu spécifiques à l'armée? Et si oui, lesquels? Alors c'est un établissement de recherche, donc effectivement il y a des laboratoires, il y a des plateformes de recherche avec un plateau d'exercice physique, un plateau un peu plus spécifique qui est la centrifugeuse humaine pour tester les accélérations, des laboratoires de confinement pour travailler sur les risques biologiques, les risques chimiques, le risque radio-biologique. Nous avons des équipements tout à fait modernes, particuliers, en particulier un microscope électronique qui est tout à fait unique pratiquement en Europe et qui est dédié à nos activités. Aujourd'hui, quelles sont les pistes problématiques clés en matière de recherche biomédicale liées à l'armée et aux militaires ? Il y a un certain nombre d'objectifs que l'on doit, ou de défis que l'on doit relever. Par exemple, j'aime bien parler de l'activité physique parce que on pourrait penser que toutes les recherches du domaine de l'activité physique sont faites dans les UFR STAPS, par exemple, ou à l'INSEP. Des instituts qui sont plutôt liés au sport, à la pratique sportive, voilà. Exactement. Le militaire, c'est un sportif, mais il fait des activités physiques un petit peu particulières. Exemple, le port de charge, il n'y a pas d'activité sportive qui soit faite par des civils ou liée à le port de charge lourde. Donc nous développons des protocoles de recherche spécifiques pour voir quels sont les facteurs limitants du port de charge lourde et aussi quelles sont les aides que l'on peut apporter pour que le militaire puisse porter ses charges de façon prolongée dans le temps. Il y a d'autres thématiques. L'exposition à des risques particuliers. Nos militaires vont dans des régions du globe sur lesquelles il y a un certain nombre d'expositions à des risques biologiques. L'exposition au paludisme, par exemple, pour lesquels ça nécessite de faire une prophylaxie qui soit adaptée. D'autres pathologies réactionnelles par rapport à l'environnement. Il y a aussi des recherches, si j'ai bien compris, aussi autour du sommeil, par exemple. Alors, ça, c'est un domaine particulièrement dual, puisque qui n'a pas ressenti le besoin de soigner son sommeil? C'est une thématique qui est très, très à la mode en ce moment. Et effectivement, pour les militaires, c'est la problématique des opérations soutenues ou continues, pour lesquelles il y a nécessité d'avoir une gestion soignée de la fatigue et du sommeil. Pourquoi ? Parce que la dette de sommeil, sa contrepartie, c'est la diminution des performances. Alors vous parliez de recherche duale, justement là on voit bien l'implication et l'aller-retour entre la recherche militaire et la recherche civile. Comment vous caractériseriez cet aller-retour-là et ce lien entre recherche militaire et recherche civile ? Comment ça se passe ? On est d'abord complémentaires, sachant que notre objectif, nous, c'est une recherche centrée sur le militaire, le combattant, pour lui venir en aide. Mais tout ce qui peut être fait pour un militaire peut avoir effectivement un intérêt en termes de protection du civil exposé au même risque. L'exemple type de la recherche du HAL, c'est que l'IRBA est, ou le SSA est désigné comme centre de référence d'un certain nombre de pathologies. C'est le cas pour les arboviroses, c'est le cas pour les orthopoxvirus, c'est le cas pour le Centre national de référence associé pour le paludisme. Et le quatrième, c'est le Centre national de référence pour la maladie du charbon. Donc ça, typiquement, Centre national de référence, ça veut dire que les laboratoires de l'IRBA vont travailler aussi bien pour des échantillons de personnel militaire que pour tous les échantillons de personnel civil qui leur sont envoyés. Et le lien armée-science, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dû évoluer dans le désert. Et en fait, il y a un livre, Princeps, pour ce domaine-là, qui est le livre d'Edouard Adolphe en 1947, c'est « Physiology of Man in the Desert ». Et on est parti du constat que l'homme en environnement extrême, à la chaleur, il est exposé à un risque extrême qui met sa vie potentiellement en péril et qu'il expose à un risque qu'on appelle le coup de chaleur d'exercice, donc qui a surtout été traité en milieu militaire, quelles que soient les armées occidentales d'ailleurs, hein, et finalement qui nous amène à être au niveau militaire en pointe par rapport au domaine civil. Et un petit peu en anticipation, et si je prends par exemple l'exemple de la canicule de 2003, eh bien, au bout d'un moment, on s'est retourné vers les experts militaires qui étaient les mieux à même de comprendre ce qui s'était passé et de proposer des solutions. Ça est venu en anticipation de tous les grands événements sportifs de nos jours où la prévention du coup de chaleur d'exercice doit être faite et où finalement c'était une pathologie qui était connue en milieu militaire et qui n'était pas connue en milieu civil. Donc c'est un petit peu la particularité de notre recherche, c'est qu'on travaille beaucoup dans le domaine de la prévention, que ce soit donc pour cette thématique de l'exercice à la chaleur, mais dans le terme de vaccinologie, c'est pareil. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites sur les vaccins, qui ont été poussées par le fait que les militaires étaient exposés à des risques parce qu'ils exerçaient dans des contrées qui n'étaient pas celles de la métropole. Voilà un exemple de recherche appliquée dans le domaine militaire, dans cet institut de recherche biomédicale des armées. Mais on va redérouler dans le sens inverse le fil de l'histoire pour le reprendre peu ou prou là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle et à la deuxième grande guerre, la deuxième guerre mondiale. On a qualifié la première guerre mondiale de guerre des chimistes. La deuxième guerre mondiale, Dominique Pestre, sera plus celle des physiciens. Vous parliez tout à l'heure du radar. Il est évidemment question de la recherche express et claire sur la bombe atomique qui a concentrer un effort de recherche considérable aux États-Unis qu'on n'a peut-être pas retrouvé d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité depuis. Avant, si vous permettez, je voudrais dire une toute petite chose sur ce qu'on a entendu. Bien entendu. C'est pas la première fois que ça me frappe, mais le vocabulaire de l'activité duale, ce que nous faisons en tant que militaires sert aussi aux civils. C'est un argument qui émerge historiquement, on le date extrêmement bien, ça date à peu près de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire à partir du moment où on a l'impression que la guerre froide se termine, le discours des militaires change. Ils disent, mais ce que nous faisons, c'est dual, ça sert aussi aux civils. Je pense que c'est pas innocent que ça vienne à ce moment-là, mais on n'est pas obligé d'acheter totalement le discours du dual. Par exemple, si vous êtes chercheur universitaire, vous pouvez dire « mais moi, je ne tiens pas à être dual dans ce sens ». Vous comprenez ? Il s'agit bien d'une manière de parler qui date d'une certaine époque. Et voilà, c'est une toute petite remarque. C'est-à-dire que ce n'est pas un vocabulaire neutre. Bien voilà, entendu. Si on revient sur la question que vous faites bien de le préciser, c'est très, très intéressant. Et donc oui, pour revenir à ce fil historique qui est le nôtre aujourd'hui. Ben, disons, je dirais, moi je vais pas le prendre à partir de la bombe, par exemple, je pense que l'histoire est bien connue, je vais le prendre à partir du Royaume-Uni. Mettons-nous dans la situation du Royaume-Uni en 1939-1940. Le Royaume-Uni, il va se retrouver très très vite isolé, et la question de sa survie, demain, chaque jour, demain, il faut survivre, est la question qui est absolument vitale. La puissance allemande a l'air tellement considérable que la mobilisation s'opère pour survivre maintenant. Donc je prends, si vous voulez, il s'agit de au fond, pas tant dans un premier temps de développer des technologies nouvelles, parce que ça, c'est ce qu'auront le temps de faire les Américains. Eux, ils ne sont pas menacés. Donc eux vont travailler sur un long terme, sur un moyen terme. Eux, ils vont mener la guerre globale à l'échelle de la planète. Pour eux, les questions importantes seront la logistique, seront la construction massive, qui est une guerre de production d'avions. On comprend la logique américaine, mais la logique britannique est complètement différente. Elle est celle de la survie, et à ce moment-là, on n'a pas le temps de développer énormément on n'a pas le temps de créer de nouveaux avions de chasse, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est de savoir comment on optimise les usages de ce qu'on a. Et je pense que là, c'est très intéressant, parce que ceux qui vont s'y intéresser, ça va être deux types de personnes. Ça va être des scientifiques comme Patrick Blackett, qui est un des prix Nobel de physique, qui va appeler ce qu'il fait la recherche opérationnelle. D'accord, c'est un nom bien connu. Tout à fait. C'est-à-dire qui ouvre une forme de management différent. Donc, ce qu'invente Patrick Blackett, c'est sur le. Et vous comprenez que lui, parce que c'est dans l'urgence, il travaille sur le terrain. Il est dans le centre de la défense radar. Il est sur les aérodromes. Enfin, il est avec son équipe au quotidien de l'action. Et ça va rester une dimension très importante. Des Britanniques pendant toute la guerre. Donc je dirais, il y a deux grandes choses, si vous voulez. Il y a la guerre totale, où il faut survivre, auquel cas, l'optimisation des usages est extrêmement importante. Ça va rejoindre le management. Et des managers dans l'appareil militaire font exactement le travail parallèle de Blackett. Et ils ne font pas nécessairement des choses très différentes. Donc on ne peut pas aller jusqu'à dire, par exemple, que Blackett aurait inventé quelque chose de radicalement neuf. Il accélère un processus qui se passe déjà dans la structure militaire elle-même. Mais si on regarde la guerre du côté américain et dans son long terme, à ce moment-là, c'est bien le développement des techniques matérielles et de la logistique qui va être absolument vital. Et là, évidemment, les scientifiques jouent un rôle décisif, bon, que ce soit évidemment dans les radars, dans la guerre sous-marine, mais que ce soit dans les propulseurs, que ce soit dans la conception des avions, que ce soit dans la conception des bombes, etc., etc. C'est intéressant, évidemment, cette notion, ce développement que vient d'évoquer Dominique Pest de recherche opérationnelle. J'aimerais vous entendre, David Aubin, si vous le voulez bien, juste sur, d'un seul coup aussi, la concentration intense, exponentielle de l'effort de recherche. On sait que les universités américaines, du côté évidemment États-Unis, sont extraordinairement mises à contribution. Tous les étudiants de Yale travaillent pour l'armée. Et on peut parler aussi, parce qu'on en parle moins, du côté allemand, du régime nazi, qui met à contribution et qui donne une part aux scientifiques gigantesque dans son opération militaire d'envergure et de conquête. Oui, il y a quand même une mobilisation majeure. Je pense que là, de ce côté-là, effectivement, Dominique Pest serait mieux placé que moi pour en parler. Mais il est clair que cet investissement assez important des nations dans la recherche scientifique vont avoir, je pense qu'on est là pour parler sur le long terme, vont avoir des répercussions assez importantes. C'est-à-dire qu'après après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains vont chercher d'une certaine manière à préserver, à pérenniser d'une certaine manière cet état de mobilisation. Alors il y a un rapport qui est très frappant, c'est le rapport du chef de la recherche militaire Van Warbusch aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle La science, la nouvelle frontière. Et il a cette vision mythologique, encore une fois, très forte des Américains qui se sont construits sur la conquête de la frontière, hein, c'est le Far West, c'est les Westerns. Et pour Van Warbusch, tout son objectif est de transformer la recherche scientifique en cette nouvelle frontière. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que sa recette pour faire cela, pour développer les sciences, c'est d'une certaine manière chercher à pérenniser l'effort de mobilisation qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'idée, là, pour reprendre un petit peu le discours qu'on a entendu tout à l'heure, de diriger cet effort maintenant, non pas sur vers la guerre, non pas vers la destruction, mais vers la construction de la paix et la santé et la prospérité du pays. Ce sont les objectifs qu'il donne. Mais ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est à quel point les modes de mobilisation sont transformés pour un autre objectif. Alors, est-ce que cette transformation-là est de façade ou est-ce qu'elle est vraiment importante? C'est une question qui reste ouverte. Oui, bien sûr, Dominique Pestre. Excusez-moi d'intervenir comme ça. Non, mais au contraire, j'allais vous donner la parole. Oui. Disons, je pense qu'il y a une idée force qu'il faut retenir, c'est que au fond, la Première Guerre mondiale s'arrête en 1918. La Seconde Guerre mondiale ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle est, elle est sans fin. Mm-hmm. Elle est sans fin jusqu'aux années 80. C'est la guerre froide. C'est-à-dire que, au fond, ce qui se met en place dès 1945, dès que, en gros, les affaires allemandes et japonaises sont réglées, c'est effectivement de se retourner maintenant vis-à-vis de l'ennemi soviétique. Et donc, la guerre froide, elle a quelque chose de particulier par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Elle en est la continuité, mais elle a une énorme différence. C'est que, au fond, c'est une guerre qui se joue sans contact réel avec l'ennemi, c'est-à-dire sans champ de bataille, si ce n'est dans les pays du Sud. Évidemment, on fait la guerre au Vietnam, on fait la guerre partout, mais pas en Europe, pas dans l'Union soviétique, pas en Amérique du Nord. Et là, le conflit se règle par un rapport de force qui est essentiellement de l'ordre de la capacité technique et productive. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de missiles, celui qui est capable de faire exploser le plus de bombes, c'est celui qui a le meilleur système de défense avancée, etc. C'est cet ensemble. Et en fait, les deux participants ne vont pas se départager là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, ils resteront toujours suffisamment puissants, même dans une seconde frappe, pour détruire l'ennemi. Donc, on a eu la mobilisation scientifique. C'est-à-dire, la mobilisation scientifique n'a aucune raison de s'arrêter avec 1945, à la différence de 1919. Elle continue et elle s'accélère. C'est-à-dire que ce dont nous avons hérité depuis les années 80 et après la chute de l'Union soviétique, c'est cette intense mobilisation permanente de la science pour différentes choses, le commerce, la guerre, tout ce qu'on veut. Mais le fait qu'elle soit mise au cœur, qu'elle soit le ferment qui ensemence en permanence une transformation des pratiques productives, des produits avec lesquels nous vivons, etc. Ce qui est au cœur de ça, c'est la recherche scientifique et c'est l'héritage de la guerre froide. La guerre froide nous a amenés dans un monde où tout était produit, où beaucoup de choses étaient produites par la science, transformées en permanence le social, et on pourrait multiplier les exemples. Les matériaux, les matériaux en général. Les matériaux, c'est une invention de la fin des années 50. Les grandes entreprises de faire des universités ou des grands centres de recherche sur les matériaux, ça date de 57-58 après le Spoutnik. Et ce sont des entreprises qui sont conçues par le département de la Défense, qui, au fond, met à disposition de ceux qui le veulent beaucoup d'argent pour pouvoir financer ce qu'il appelle, lui, la science des matériaux, c'est-à-dire la capacité de développer des produits qu'il définit lui-même, des semi-conducteurs, toute une série de choses, et qui demande des physiciens, des quanticiens, des chimistes, des cristallographes, etc., des ingénieurs de toutes sortes. Et il remodèle le champ des sciences parce que le matériau est pour lui un objet. J'aimerais qu'on parle un peu, il nous reste une dizaine de minutes, un peu plus à passer ensemble, une dizaine de minutes pardon. J'aimerais qu'on parle un peu de ce qui se passe en France précisément, parce que c'est pas du tout la même histoire qui se joue en France. Évidemment, au lendemain de la Seconde Guerre, la France est exsangue, la reconstruction est importante, la recherche scientifique a marqué un coup d'arrêt. Comment est-ce que cette recherche scientifique redémarre en France sous l'impulsion du général de Gaulle bien évidemment, mais pas uniquement Dominique Pestre. Disons, dans un premier temps, on va dire de 45 jusqu'au début des années 60, il y a un essai simplement de rattrapage minimal. La France essaye de rattraper ce qu'elle n'a pas connu et qui est advenu pendant la guerre. Et ceci opère par l'envoi systématique de milliers de jeunes gens en Angleterre et aux États-Unis, qui passent 3 ans, qui passent 5 ans, qui passent 8 ans et qui reviennent. Dans l'ensemble, ils sont revenus. Bon, donc ça, c'est le gros des activités, que ce soit les militaires, que ce soit les universitaires, c'est à peu près la même chose. Et du point de vue des militaires, c'est marginal, parce que, comme je le disais, si je me souviens bien, au tout début de l'émission, la mission de la France à l'Ouest, c'est de continuer à mener les guerres coloniales. C'est le Vietnam, c'est l'Indochine, pardon, parce que ça s'appelle pas encore le Vietnam. C'est l'Indochine, c'est l'Algérie, c'est le contrôle d'une partie de l'Afrique, etc. Bon, dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de matériel extraordinaire. Par contre, à partir du moment où l'indépendance de l'Algérie est décrétée par le général de Gaulle, qui va être suivie, qui opère en même temps que l'autonomie des pays africains, c'est-à-dire au fond, on arrête l'empire. On cesse la colonisation, on se retire, bon, c'est pas dire on s'en retire pas complètement de fait, mais politiquement on s'en retire. À partir de ce moment-là, le général de Gaulle, qui veut moderniser la France et qui veut la pousser dans la direction, disons, de ce développement technique que permet la guerre froide, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut transformer l'armée. L'armée est ce qui va être le ferment à partir duquel, si elle s'intègre dans le grand effort de guerre de l'Ouest, va être le moyen par lequel la modernisation française va opérer. Et donc, le grand moment, c'est la réforme, c'est la création de la délégation ministérielle à l'armement, c'est-à-dire d'un immense département armement au sein du ministère de la Défense. Il y avait effectivement des gens qui s'occupaient de l'armement, mais il y avait ceux qui s'occupaient d'électronique, ceux qui s'occupaient de lanceurs, ceux qui s'occupaient des poudres. Et en plus, c'était divisé selon l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Là, on prend un système transversal, comme aux États-Unis, où on se dit, il y a des priorités. La priorité, c'est le lanceur de la force de frappe. La priorité, c'est la capacité à faire une bombe miniature qu'on peut mettre dedans. La priorité, c'est les communication et le guidage des missiles, la priorité. Vous voyez, on opère de cette façon, et ce faisant, on entraîne les champs les plus avancés de la recherche scientifique. Et ça va être le grand travail des années 60. Et comme je le disais, il y a au cœur de la délégation ministérielle à l'armement un département de recherche scientifique qui a été dirigé par des civils. Le dernier a été Grain. Et qui ensuite va être pris par les militaires. Mais dans un premier temps, pendant une dizaine d'années, il reste dans les mains des civils. Il est un moyen d'aider à la mobilisation universitaire pour la défense. Mais vous remarquerez, on ne parle pas de dual à ce moment-là. Non, on ne parle pas de dual du tout. J'aimerais vous faire écouter rapidement une petite archive qui date de 1957, où on a l'impression qu'effectivement, les militaires, la recherche militaire, la recherche scientifique militaire, reprend du souffle à nouveau en France. Écoutez. À la base de Mont-de-Marsan s'élabore l'aviation militaire française de demain. Cette base abrite le centre d'expérience aérienne militaire qui prend en charge toutes les nouveautés françaises, aussi bien le matériel volant à réaction que tous les modèles de radar. À Mont-de-Marsan, on étudie les conditions d'emploi des nouveaux avions, comme le Vautour, chasseur tout temps à réaction. L'essai des plus récents types de parachutes constitue une autre des nombreuses activités du centre. On éprouve notamment les parachutes destinés à équiper les sièges éjectables des avions supersoniques. Ces parachutes à ouverture automatique sauveront les pilotes évanouis à la suite du choc de l'éjection. C'est une archive de 1967 et pas 57. Hein. Peut-être un mot de conclusion, puisqu'il nous reste quelques minutes, aussi de l'importance, et on en a longuement parlé ici, de la recherche nucléaire, à la fois militaire et civile, qui va être l'un des moteurs de recherche fondamentale et d'application de cette France des années 60. Dominique Pestre. On pourrait parler du nucléaire. Je ne suis pas forcément convaincu que ça a été le secteur au plus grand impact. Alors, dans notre pays très nucléarisé et dans lequel le nucléaire symbolise toute la modernité de notre pays, oui, on dit souvent ça. Et on dit, vous voyez, le programme civil. Mais enfin, vous savez, le programme civil et le programme militaire sont assez séparés. Ça relève de technologies très différentes. Les ingénieurs d'EDF utilisant les brevets Westinghouse ont très très bien fait le parc sans s'occuper des affaires militaires. Donc je suis pas sûr, si vous voulez, de ça. Par contre, il y a d'autres domaines où c'est le cas. Et je pense que ce serait plus riche de travailler sur l'électronique, par exemple. Mm-hmm. Il y a, si vous voulez, quelle est la grande transformation de notre monde contemporain? Nous en sommes tous d'accord. On a parfois dit que c'était les biotechnologies, etc. C'est pas faux, les biotechnologies, ce n'est pas rien. Mais la grande transformation, celle qui transforme totalement nos sociétés depuis 25 ans, c'est l'électronique. C'est les ordinateurs, c'est votre téléphone portable, c'est les data centers, c'est tout ça qui fait. Or là, c'est là qu'il faudrait mener plus précisément l'analyse. Je pense que c'est là que se trouvaient les choses les plus importantes. Et il y a une chose qui apparaît maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des efforts. Il y a eu des plans divers des gouvernements français, il y a eu des actions dans les armées, il y a eu énormément de choses. Une chose est claire, il y a une domination sans partage de la Californie sur le reste du monde. Et c'est même pas des États-Unis, nous sommes bien d'accord, c'est de la Californie. Qu'est-ce qui s'est passé là et comment on pourrait contraster ça avec une histoire de la non-Silicon Valley française ou de des non-Silicon Valley européennes, ce serait extrêmement intéressant. Écoutez, vous reviendrez, Dominique Pesce, pour raconter cette histoire et pour raconter peut-être ce raté franco-européen de ce développement de l'électronique. Quoique, il y a des choses à nuancer là-dedans, parce qu'on l'a abordé à plusieurs reprises dans l'émission. Et on vous réinvitera pour en parler, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de ces liens entre la science et l'armée. Merci David Aubin, vous êtes en train de travailler, je le rappelle, sur un ouvrage à paraître aux éditions Ulm au mois d'octobre, L'élite sous la mitraille, les normaliens, les mathématiques et la grande guerre. Vous viendrez en reparler, on vous réinvitera. Merci beaucoup Dominique Pestre également d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut se référer à votre Bible, qui est une Bible de l'équipe de la méthode scientifique, Histoire des sciences et des savoirs, en 3 volumes, c'est aux éditions du Seuil. Et puis merci à nos camarades de la RTS pour le duplex depuis la Suisse. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Sarah Jumans, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Florent Bujon à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant c'est le dernier LSD de la semaine, le dernier épisode de la série documentaire de Juliette Boutillier et Vincent Deck, Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent. Tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, du grain à moudre, peut-on vivre sans plastique, demandera Hervé Gardette à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est un vendredi, table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question, entre autres, du rapport sur la bioéthique qui a été rendu cette semaine, de la pilule contraceptive pour hommes, et nous nous demanderons comment, dans le futur, Homo sapiens va évoluer. Voilà, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.